Vous écoutez Futur Simple et vous êtes à l'écoute de CKRL au 89.1 et il faut croire que l'actualité explosive aux États-Unis a inspiré nos chroniqueurs. Elle a en tout cas inspiré Mustapha Lor qui pose la question assez surprenante, notre jardin va-t-il exploser ce printemps? Bonjour Mustapha. Bonjour Valérie. Oui en effet, ma chronique s'intitule « Notre jardin va-t-il exploser ce printemps ?» Vous avez été probablement accroché en écoutant les nouvelles dernièrement par cette gigantesque explosion d'une usine d'engrais à Ouest près de Waco dans le Texas qui a fait une quinzaine de morts et pas moins de 160 blessés. Donc en plus des pertes humaines, la déflagration de l'usine a balayé une dizaine d'immeubles et une cinquantaine de maisons aux alentours. On rapporte qu'on a entendu l'explosion à 80 km à la ronde et même qu'un sismographe à quelques centaines de kilomètres à Amarillo en a ressenti les effets. Donc comme ça, deux questions se posent naturellement. Qui et comment? Et ça veut dire quoi en fait ça? Ben, qui et comment? Qui est responsable et comment cela a pu se produire? En fait, l'usine qui n'est pas une usine de fabrication d'engrais comme ça a été souvent rapporté, mais c'est un distributeur d'engrais. West Fertilizer est une sorte de coopérative où sont stockés un certain nombre de produits chimiques utilisés pour l'agriculture, des produits phytosanitaires ou des engrais. En l'occurrence, l'ammoniac gazeux ou l'ammoniac en solution servent à la fabrication des ammonitrates qui, eux, sont utilisés par les agriculteurs sous la forme de granulés blanchâtres pour fertiliser le sol. Il a été rapporté aussi que l'usine stockait de l'ammoniac, environ 25 tonnes. C'est beaucoup ça, hein? Oui, tout à fait. Et il faut savoir aussi que l'ammoniac, c'est un gaz connu chez les chimistes sous la formule NH3. Pour les moins chimistes d'entre nous, c'est un atome d'azote qui est accroché à trois atomes d'hydrogène. C'est aussi un gaz incolore très irritant pour la peau, les yeux ou les systèmes respiratoires et son contact direct peut provoquer des brûlures graves. Il est caractérisé aussi par une odeur piquante. Faut savoir aussi que l'ammoniac est généralement stocké à basse température, à moins 33 degrés Celsius sous pression atmosphérique, pour maintenir ce gaz sous forme liquide. Sachez aussi pour notre culture générale que c'est un composé qui va être impliqué dans la physiologie végétale comme source d'azote, ce qui explique donc qu'on l'utilise comme engrais fertilisant. On parle alors dans ce cas-là de nitrate d'ammonium ou d'ammonitrate. Faut savoir aussi que l'ammoniac intervient aussi dans la physiologie animale comme intermédiaire du métabolisme qui va être transformé en urée par le foie et éliminé donc. Donc on voit qu'il y a quand même des utilisations assez diverses de ces produits à base d'azote qui sont utilisés par les plantes, par les animaux. Mais ça ne nous explique pas comment c'est devenu un explosif. Alors pourquoi ce type de produit est-il explosif? Lorsqu'une usine d'engrais explose, en général, le coupable est le nitrate d'ammonium ou l'ammonitrate. Si celui-là présente un alibi embêtant, on va se retourner vers l'ammoniac. C'est important de distinguer les deux parce que l'ammonitrate, c'est cet engrais minéral qui permet d'introduire l'azote dans le sol et qui était obtenu en ajoutant de l'ammoniac gaz à l'acide nitrique. Donc pour donner une image assez simple, on peut dire que l'engrais ammonitrate est le fils du gaz ammoniac parce qu'il est fabriqué à partir de celui-ci. D'accord. Donc l'ammonitrate, si vous me suivez, est le fils... n'explose pas spontanément. Il faut absolument une source de chaleur pour amorcer la réaction de décomposition qui peut conduire à l'explosion. Une température supérieure à 210 degrés est en effet nécessaire. Donc les conditions normales, ça n'explose pas? Oui, à température ambiante, non. Ouais. Donc, mais cette transformation peut aussi avoir lieu à plus basse température si le nitrate d'ammonium contient des impuretés. Dans ce cas-là, comme des hydrocarbures, pétrole, fuel, huile, etc. Une fois que la décomposition commence, la réaction chimique s'emballe et engendre une immense quantité de gaz presque instantanément. En d'autres mots, on chauffe le nitrate d'ammonium pour donner des vapeurs d'eau et de l'oxyde nitreux. Au passage, c'est un gaz hilarant. Donc, le gaz étant encore moins dense sous cette forme gazeuse, ou si je peux m'exprimer autrement, la matière sous forme gazeuse est moins dense que sous forme solide ou liquide, donc elle va occuper plus d'espace, elle va dilater sous l'effet de la chaleur, elle va pousser sur les parois et puis c'est l'explosion. Ouais. Donc ça c'est pour l'ammonitrate, mais l'ammoniac, donc comme j'ai dit tout à l'heure, le père qui nous donne cet ammonitrate, l'ammoniac lui... Le gaz n'est pas un petit joueur non plus, parce qu'il présente un potentiel explosif assez intéressant, parce que quand il est mélangé avec de l'air à 15 ou 28%, et en présence d'une étincelle, ça peut mener à une explosion. Donc là, tu parles d'ammoniac, d'ammonitrate, mais ça ne nous dit pas lequel est responsable de l'explosion qu'il y a eu au Texas. En effet, parce que les enquêteurs n'ont pas encore déterminé si les ammonitrates étaient stockés sur le site texan. Mais pour revenir à cet accident, ou plutôt à cette explosion, car les origines ne sont pas encore établies, en effet, c'est la Chemical Safety Board, une agence fédérale indépendante en charge des risques chimiques industriels qui mène les investigations. Et on imagine bien que le FBI doit pas être très loin aussi. Et est-ce que tu penses que pourquoi est-ce que tu penses que le FBI devrait être impliqué dans l'enquête? Est-ce que ça a quelque chose de criminel? Ben parce que dans ce genre d'incident, les deux scénarios sont plausibles. La thèse de l'accident involontaire est aussi probable que celle de l'acte malveillant criminel. Uh-huh. Le but de cette chronique n'étant pas de résoudre l'enquête, ouais, des gens bien payés et bien plus informés et formés que nous doivent être peut-être en ce moment en train de ramasser des débris microscopiques pour déterminer le foyer de la détonation. Il faut informer tout de même que la compagnie a déjà été épinglée dans le passé pour des négligences et des manquements au plan de gestion des risques et pour absence de permis de construction dans certaines zones. Donc, et puis depuis 2006, la compagnie n'a pas été inspectée, révèle un journaliste du journal The Nation, faute d'inspecteur, disent les médias. Mmh. Et alors, qu'est-ce qu'il en est? Bon, ça pourrait expliquer peut-être l'accident, et qu'est-ce qu'il en est de la piste criminelle, de l'attentat criminel? C'est plausible? Ben, disons que les antécédents criminels de l'ammoniac ou du nitrate d'ammonium en matière d'explosifs ne sont plus approuvés. On peut se rappeler des attentats contre le World Trade Center en 93 ou d'Oklahoma City en 95. Moi, en tout cas, ce qui me revient à l'esprit en apprenant ce fait détonnant, c'est l'affaire AZF. Oui, j'ai pensé aussi. Car les similitudes sont assez troublantes. Si je peux raconter l'histoire brièvement, ouais. Cette usine d'engrais toulousaine en France a explosé 10 jours après les attentats du 11 septembre 2001, faisant 31 morts et quelques 2500 blessés. L'enquête a duré des années pour déboucher sur une relaxe générale de tous les prévenus en 2009. Et en appel récemment, en septembre 2012, le parquet a condamné l'entreprise et son directeur pour homicide involontaire, tout en gardant l'hypothèse de l'accident chimique comme version finale. Mm-hmm. Donc, il semblerait qu'on soit face à deux événements assez similaires. Il y a une usine d'engrais, puis une explosion. Tout à fait. Même qu'une association des victimes d'AZF a proposé son expertise pour faire profiter les Américains de son retour d'expérience, mm-hmm. comme on dit. C'est assez similaire, oui, mais à quelques détails près. Parce que pour l'affaire de Toulouse, aucun incendie n'est reporté avant l'explosion de l'usine. Alors que pour l'usine texane, un incendie s'est déclaré au préalable sur le site. Ah. Et même que les pompiers étaient déjà dépêchés sur place. D'ailleurs, certains analystes affirment que l'usage de l'eau peut avoir un effet aggravant et favoriser la déflagration. Autre point aussi, c'est que pour l'affaire de Toulouse, les ammonitrates étaient bien présents sur le site, alors que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas encore confirmé mm-hmm. pour l'instant pour l'accident du Texas. Mais est-ce que tu penses que l'enquête sur l'explosion du Texas aura un sort similaire à celle d'AZF en France? Je ne sais pas quel sera le dénouement de l'enquête sur cette explosion, mais il faut s'attendre à une enquête longue et compliquée afin d'établir les responsabilités de chacun. L'affaire toulousaine avait suscité beaucoup d'émotions, plusieurs livres, investigations et enquêtes parallèles en témoignent et mettent aussi l'emphase sur tous les manquements et tous les points faibles de l'enquête. Mmh. Donc, non, je m'attends que ça soit long et pénible. Et tu aurais un pronostic? Peut-être pas. Pas à nous de le dire. Enfin, c'est pas un match de foot, ouais. Mais personnellement, si je suis pas un expert, mais je parierais plus sur une défaillance technique ou une erreur humaine. Et pour finir, le rapport avec ton titre où tu parlais de jardin qui exploserait peut-être. Ben, c'est plus un clin d'œil au plus pantophobes, pardon, c'est quoi, d'entre ça, nous. Les pantophobes. C'est la phobie de tout et de rien. C'est des gens qui ont peur de tout et de rien. Ouais. Donc, si je tiens à les rassurer, il n'y a aucun risque pour que notre jardin explose à cause des engrais. On risque peut-être de mourir par intoxication au pire, tuer 2-3 lapins qui servent dans le potager peut-être, pourquoi pas, ou encore par un étouffement naïf et maladroit en respirant des poussières d'engrais. À la limite, oui, pourquoi pas. Mais l'explosion, non, honnêtement, je ne pense pas. Donc, chers auditeurs, vous savez donc ce qu'il vous reste à faire si vous voulez avoir un beau jardin plein d'engrais chimiques. En tout cas, nous voilà rassurés, notre jardin n'explosera pas. Je pense pas. Merci Moustapha pour notre conclusion humoristique sur un sujet quand même assez sérieux. Alors on va faire une pause musicale sur CKRL au 89.1 et au retour, on examine plus en détail la chimie de ces explosifs à base d'engrais.